Monsieur, racontez-nous une histoire, voulez-vous ? Oh oui, une belle histoire ! Oh oui, une belle histoire ! Très volontiers, mes enfants. Je l'ai lu dans la Bible lorsque j'étais moi aussi un petit garçon. Ah, c'est vraiment le plus beau de tous les livres d'histoire. Elles sont variées, vivantes, pleines de poésie et de tendresse, nous donnant quelquefois des frissons, mais toujours nous apprenant à connaître la bonté de Dieu. Voici donc le récit de David et de Goliath. Oh, fic alors ! David était un garçon de 16 ans. Il était le cadet d'une nombreuse famille qui comptait 7 frères. Son père, Isaïe, en attendant de lui apprendre un métier, lui faisait garder son troupeau de moutons. David aimait bien son travail et il le faisait de tout son cœur. C'était un bon berger, attentif et doux avec les petits agneaux. Il choisissait pour ses moutons des prairies où l'herbe était verte et tendre à la langue. Ses deux chiens lui donnaient un sérieux coup de main pour ramener les brebis récalcitrantes et aventureuses. Là, dans la solitude des montagnes de Bethléem, notre ami pouvait rêver, une fleur à la bouche, regarder le grand ciel bleu et les nuages blancs qui y passaient, se faire caresser par le vent tiède. David était un beau garçon, aux cheveux blonds, au visage ouvert et aimable. Il était aussi très fort pour son âge. C'était un cœur droit, une âme sensible, toujours prête à rendre service. Il aimait Dieu et Dieu l'aimait. Pendant que le troupeau sommeillait paisiblement, notre berger tirait une flûte de sa poche et il jouait. Ses chiens étendaient leur museau sur leurs pattes, fermaient les yeux, et lui était si heureux. Et quand le loup venait pour manger ses moutons ? Il n'y avait pas de loup, mais des ours. Il les chassait avec sa fronde. Qu'est-ce que c'est qu'une fronde ? Une fronde, c'est fait d'une sangle de cuir ou de corde tressée, élargie en son milieu pour recevoir dans son creux une pierre ronde et lisse. Le chasseur la faisait rapidement tourner d'une main et le projectile partait au moment où l'une des extrémités de la lanière était subitement lâchée. David était très habile dans son maniement. Il était capable de toucher un animal en pleine course. Et Goliath, était-il aussi berger ? Non, Goliath était un guerrier philistin. Il appartenait à un peuple voisin d'Israël, batailleur et voleur. À l'époque des récoltes, il venait piller et la nuit, il dérobait le bétail. Un jour, les Philistins décidèrent de faire la guerre au peuple de Dieu. David alla prendre des nouvelles de ses frères qui avaient rejoint les troupes du roi d'Israël. À peine les eut-il embrassés qu'un mouvement se produisit et l'on vit sortir des rangs adverses un homme. Goliath, Goliath. Oui, Goliath, le géant. Lorsqu'on le vit, il y eut des exclamations de stupeur et de crainte. De mémoire d'homme, on avait vu un guerrier si grand, si terrible d'apparence. Il mesurait plus de 3 mètres, le double d'une taille normale. Moi, j'aurais pris mes jambes à mon cou. Et moi aussi. Et moi de même, certainement. Un casque lui couvrait la tête et brillait au soleil. Une cotte de maille, sorte de tricot en fer, pesant 80 kilos, protégeait sa large poitrine. Dans sa main, il tenait une lance. Dans l'autre, un javelot dont le manche était aussi gros qu'un jeune arbre. Une immense épée pendait à son côté. Il riait d'un rire mauvais et inquiétant, et ses dents blanches brillaient sous sa moustache au coin tombant. L'homme qui portait son bouclier disparaissait presque derrière sa charge. Goliath s'approcha et cria : « Soldats de Saül, choisissez un homme qui vienne se battre contre moi, qu'il me tue. Alors nous serons vos esclaves. Mais si je le mets à terre, vous deviendrez nos esclaves. Je vous jette ce défi. » Qui allait-on bien pouvoir lui opposer ? Personne n'était aussi grand et fort en Israël. Celui qui se présenterait serait immédiatement anéanti. David sentit bouillir son sang. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi ? Et David entendit une voix dans son cœur, et il comprit que Dieu serait avec lui, que Dieu le choisissait pour délivrer Israël. Lorsqu'il parla de son désir d'affronter le géant, beaucoup rirent. D'autres ne l'écoutèrent même pas. Voyons, un garçon de 16 ans, haut comme 3 pommes contre Goliath, mais c'est impensable. Mais David restait inflexible, gardant son idée envers et contre tous. Il irait combattre le Philistin. Il fallait qu'il y aille. Il était jeune, certes, mais il savait qu'une force était entrée en lui. Devant son insistance, on le présenta au roi qui, paternel et ému devant tant de courage, essaya de le dissuader. David lui dit alors, « Quand je faisais paître les brebis de mon père, si un ours ou un lion venait en enlever une, je le touchais avec ma fronde et j'arrachais la brebis de sa gueule. Ainsi en sera-t-il du géant, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Voyant sa calme détermination, le roi le laissa aller. Il lui fit remettre sa lourde cuirasse et son épée personnelle. David s'en revêtit, mais ne put marcher avec cet harnachement de guerrier. Il ressemblait à un canard à qui on aurait mis des chaussures. Il reprit bien vite sa tunique en peau de mouton et partit. Pauvre petit qui allait à la mort, disait-on. Il courut au torrent choisir 5 pierres. Il le fit soigneusement, longuement. Il les voulait rondes et bien polies. Il les mit avec sa fronde dans son petit sac de berger, suspendu à sa ceinture. Puis un bâton noueux à la main, il se présenta sur le champ de bataille. Il s'avança d'un pas lent mais ferme, l'œil brillant fixé sur Goliath. On aurait entendu voler une mouche. Lorsque le géant le vit, il eut d'abord envie de rire. Ce garçon ne lui arrivait même pas à la taille. Puis il se mit en colère et hurla. « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec ce bâton? Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Maudit sois-tu, gamin !» David lui répondit. « Géant, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Moi, je viens à toi au nom de mon Dieu que tu as insulté. Il m'accordera la victoire. » Dans un geste de colère, Goliath arracha son casque. C'est à ce moment-là que David sortit subitement sa fronde, y plaça une des pierres, courut au-devant du Philistin, fit tourner sa fronde, 1, 2, 3, 4 fois. Elle siffla, et soudain la pierre partit comme un éclair et vint frapper le géant en plein front. Il leva son bras comme pour se défendre, pivota lentement sur ses jambes et s'écroula comme une masse, dans un nuage de poussière, la bouche ouverte contre terre, les bras en croix. C'était comme un arbre que l'on abat et qui soudain craque et s'écrase. Il était là, gisant, inerte, perdant son sang par le trou que la pierre noire lui avait fait. Ce fut alors un vacarme assourdissant qui roula dans la montagne. Les Philistins criaient de stupeur. Les Israélites laissaient éclater leur joie par des « Hurrah ! Hurrah !» Tout le monde s'agitait, levait les bras. David s'élança comme une flèche, dégaina l'immense épée du géant. Elle retomba comme un éclair. Il venait de trancher la tête du monstre. Les soldats philistins s'enfuirent à toutes jambes dans la montagne. C'était la déroute complète. Israël pourrait enfin vivre en paix. Voyez, mes enfants, muni d'une seule fronde, notre petit berger fut plus fort que le géant avec toutes ses armes tranchantes et pointues. Et pourquoi cela? Parce que Dieu était dans son cœur. Parce que Jésus avait combattu avec lui. Oui, parce que Dieu avait combattu à ses côtés.